écoute ta vie est d'art. Pour certains la préfèrent court. Là j'ai pas pioché les bonnes cartes. Et l'heure du dernier jugement c'est court. Demande à mon Zach Jonathan. Pose la question sous forme de prière. Profiter de la vie. Et qu'aujourd'hui n'est pas mieux qu'hier. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête des frères? Tout est devenu limpide. La vie est faite de durs combats. Ne te noie pas dans les rapides. Pendant que l'eau coule sous les ponts, s'empêche de vivre dans le péché. Mais ta vie sans fortune prêche le bien. Ton bonheur est perché. Ma philosophie depuis 8 octobre, c'est d'aider mon prochain. Aimer mes proches, même avec rien dans les poches. L'amour s'approche en mini-jupe comme une putain en pleine débauche. Si je t'emmerde, je te dégage. Moi, je mets des waffes et des bâches. Les bouches de mon avenir, les défaites de fait et mes faits. Maintenant, je me méfie, sauf de l'herbe que je méfie. Faut que j'aille jusqu'au bout de ma vie. Pour mon futur garçon ou ma fille. Pour l'instant, c'est hip-hop, rap, grave sur les murs de ma ville. Faut profiter d'un peu brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans un pas, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie, frôlo, avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. Faut profiter d'un peu brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans un pas, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie, frôlo, avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. La vie est courte, gros, j'ai un pansement sur la main pour un ticket au cimetière qui n'est pas valable dans le métro. Sous pique pas tazar, moi j'aime trop les plaisirs de la vie. À mon avis, t'as pas le mental, ouais, dégage la vie. Puis la main dans le sac, j'ai voulu barber un peu de temps. Le sablier me traque gros, moi j'étais à fond dans. Après aisant en mon grand, je suis en T-Aide par le destin. PLX, si tu veux que je t'aide, t'aide pour les miens, poteau, au nom du positivisme. La mort est en dentelle, moi j'ai repoussé ton vice. T'es charmante avec ta faux, mais faut user un peu mieux. Je serai en retard au rendez-vous car j'ai crevé un peu pneu. La vie est courte donc, évitons de nous égarer. Évite de dire que t'as le temps, le sablier est gardé par une pucelle qui veut t'offrir sa virginité. Va plutôt sur Skyrock baiser la vie avec dignité. Faut profiter de la vie brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans sa part, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie frôlo avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. Faut profiter de la vie brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans sa part, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie frôlo avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. La vie est courte et la mort t'attaque au cou. J'sais très bien que tes larmes coulent, mais du temps que le monde dont j'te parle en connaissance de cause. Reprends vite tes esprits, le bonheur tout dans les mains. Arrête vouloir le vesqui. Je ne vois plus cette étincelle dans les cibres de ma femme. Il faudrait tant d'années pour raviver ma flamme. J'tire une gueule d'enterrement, je ne dors plus la nuit. Toute ma vie est cernée, mes souvenirs ont pris des rides. J'ai comme un arrière-goût d'avoir raté un épisode. Les soucis s'entassent, c'est dur de tourner la page. Juste ça, je me remémore mes souvenirs d'en face. Mon père m'a toujours dit, fils, prends la vie d'en face. Les erreurs que j'ai pu faire, je les ai payées comptant. Ma petite fille à moi ressemble au parcours du combattant. J'ai combattu, elle m'a vaincu et c'est la mort qui compatit. Sache que l'enfer et le paradis sont deux choses incompatibles. Faut profiter de la vie brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans un pas, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie frôlo avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. Faut profiter de la vie brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans un pas, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie frôlo avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. Putain, le temps s'écoule, j'ai 25 ans, souvent le moral en chute libre. Ma vie est un vrai combat, il pourrait jouer mon rôle au Jet Li. Et moi j'ai vraiment peur de ne jamais atteindre 40 ans. Ça devient dur d'être serein, vivant avec un cœur tendre. On est, on vit, on meurt, on pleure, on a envie d'amour. J'ai peur, profite vite de ce que t'as. La vie est courte, un gamin meurt toutes les 5 secondes. Putain, j'ai peur de ce quota. Ça me fait la peine quand je vois que pour de la thune, une mise tapine. Le temps est court pour s'enrichir, tel Master P ou Mr Bean. Cousin, profite à fond si t'as encore tes grands-parents. Car ça se peut qu'un jour sur eux, ça grippera une grippe errante. Écoute, dans cette vie, moi je m'accroche tel un para. Mais la mort est dans les parages, et on sait que c'est imparable. Et je t'avoue qu'au fil de temps, beaucoup de gens me déçoivent. Putain, mes nuits sont angoissantes, je pars pas que du jeudi soir. Faut profiter de la vie brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans un pas, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie frôlo avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. Faut profiter de la vie brouillard, même si on vit l'enfer. J'étais à la main dans un pas, mais en présent pour nos frères. Profite de ta vie frôlo avant de prendre de l'âge. Les regrets s'accumulent, fais en sorte qu'ils prennent le large. J'ai croisé la mort, elle m'a dit vas-y vite ta vie. J'ai pas souvent le moral, trop vite en manque de vitamines. Mais je profite de la vie même quand mon cœur crie famine. J'ai trop souvent été déçu, appelez-moi Archange déchu. J'entends dire Archange tu sais, tu m'as déçu depuis que t'es. Vision devient obscure, aucun doute ne veut te scruter. Vous savez tout ça, ça me fait peur, il suffit, je vous